bonsoir à tous. Bonsoir Jocelyn. Salut. Une entrée en matière un peu solennelle, mais ouais. Qui bon, donne un thème qui peut-être sera tenu le long de l'émission. Donc je te remercie d'avoir répondu de manière positive à mon invitation. Merci de m'avoir invité. C'est une émission qui sera centrée un peu autour de ton groupe, de ton activité musicale, si ça te va. Très bien. Et de ton parcours musical ou ton actualité aussi, il y a même une actualité. Discuter comment on le fait aux entretiens de Grenoble de manière peut-être un peu plus profonde que d'habitude. Enfin, du moins on essaie avec okay. l'invité de faire des liens. Par quel morceau tu veux commencer, Jocelyn? Alors, tu réfléchis à cette question. On peut commencer par ce groupe australien que j'aime particulièrement, qui s'appelle The Green Child. Et ils ont sorti un album là cette année, un deuxième album, et c'est c'est ça, non? Shimmering Bassett. Voilà, Shimmering Bassett, Low Desk High Shelf. Ok, c'est parti, The Green Child. Alors, The Green Child, tu peux nous parler un peu de ce groupe ou pas vraiment? Mikey Young, c'est la personne qui fait les machines, qui joue de la guitare dans Total Control. Il a tout un tas de groupes que j'apprécie. C'est quelle partie de l'Australie ? Il habite à Melbourne. Ouais. Ah, en fait, non, il habite au bord de la mer, à peut-être une heure de Melbourne. Moi, j'ai pas vraiment la géographie de l'Australie en tête, mais d'accord. Je sais qu'il habite pas en ville et qu'il habite tranquille sur la plage. Il fait du mastering aussi, je pense que c'est comme ça qu'il gagne de la thune. Et je sais pas, il joue aussi dans Eddie Suppression Ring. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc, et dans un autre, j'ai perdu le nom. Et là, il joue avec c'est la guitariste de Grass Widow qui est de San Francisco, donc ce groupe de San Fran de la baie, qui habite maintenant avec lui en Australie. Et elle jouait à la base dans Grass Widow, elle faisait la guitare. Et là, elle chante, elle fait des machines, je suppose. Mais... Ok. C'est plutôt cool, bon groupe avec... Très relax, ouais. Une vibe, ouais, c'est sympathique. C'est chill. Chill, voilà. Et j'ai vu que t'as amené X, donc X, le vieux groupe australien X, c'est ça, non ? C'est pas australien, c'est californien. Ah d'accord. Mais peut-être qu'il y en a plusieurs des groupes. X, un groupe emblématique. D'accord. Moi j'en connais un qui s'appelle, qui est australien. Ok. Voilà, mais... Bah on a qu'à le mettre comme ça. Ouais, c'est une. Je connais. Enfin, j'ai peu de à dire dessus. Ouais. Je sais juste que c'est une chanson sur pour. En gros, le message c'est de rester positif. Okay. I must not think bad thoughts. Hop, X. Walking down the road, everybody yelling, hurry up, hurry up. But I'm waiting for you. I must go slow, I must not think bad thoughts. When is this world coming to? Both sides are right, then both sides murder. I give up. Why can't they? I must not think bad thoughts. I must not think bad thoughts. I must not think. Uncivilized wars, conflagrations leap out of every poor furnace. The food cooks poorly, and everyone goes hungry. From then on, it's doggy dog, doggy body, body dog. I can't go down there. I can't understand it. I'm a no good coward, an American too, a North American that is. That thought. That thought. Hey. That don't mind. Don't know what you got, but baby, I got it. $3 left, just got the hole in my pocket. I'm so cold, I turn and blue. I don't mind walking for you. I know what I am to you. On your dipstick, I'm not your lipstick. I'm your dipstick, and I don't mind. C'était pas le même groupe. Non. Non. Bon, ouais, on se demandait si c'était les. Ouais, est-ce que t'avais du ex aussi dans, sur ton ordinateur. Voilà, ouais. Si le ex, ce ex-là était le ex d'avant. Mais non, donc bon, ça confirme qu'ils sont bien australiens. Je pense qu'il y a une pelle de groupe qui s'appelait X. Ou qui s'appelle X. Ou... Ouais, bah, il y avait Gen X aussi, une génération X. Mm. Ouais. Il y a XX, non ? Ça existe ça aussi. XXX. XXX. Ouais. X-ray specs aussi. Bon. Et ouais. On fera une émission spéciale. Spéciale X. Ouais. Et alors, on va, si on mettait un peu. Ouais, donc parle un peu de. Si ça te dérange pas. Non. Il y a un nouveau disque qui va sortir de Tola, n'est-ce pas ? Alors, il y a. Au niveau de l'actualité, on a sorti un album, notre deuxième album l'année dernière, qui s'appelle Dans la Plaine. Voilà, qui a déjà un an quasiment. Super album. Merci. Qui. Ouais, qui a mis 4 ans à sortir. Enfin, c'est-à-dire entre notre premier album et notre deuxième album, il s'est passé 4 ans. Parce que ça prend du temps de sortir 11 chansons. En fait, je vois pas comment. J'arrive pas. À savoir comment les gens sortent des disques aussi rapides. Enfin, tu vois, quand tu vois des gens qui sortent des disques tous les ans ou tous les 10 mois, c'est super étonnant. Ouais. Surtout quand t'as un groupe, non, je pense. Enfin, c'est pas le fait d'être en groupe qui ralentit tout. Non, pas forcément. Non, parce que, ouais, j'ai organisé. Ouais. Bah, nous, on répète une fois par semaine. Enfin, là, cette dernière année, on n'a pas répété parce que Jérôme, à la base, est parti en voyage. Mais je pense que les gens qui sortent des albums rapidement, ils répètent constamment, plusieurs fois par semaine, je pense. Peut-être. Mais est-ce que tu trouves lent, c'est de faire des morceaux, du coup ? Oui, voilà, de les pondre, de trouver les accords, d'être, tu vois, d'être content avec les paroles. Ouais. Et ça prend du temps. Et parce que tu fais autre chose à côté, enfin. Ouais, bien sûr. Il y a le taf, il y a les autres trucs, quoi. Et du coup, ça, c'est sorti l'année dernière. Et ce qui sort en fait, là ce mois-ci, c'est une réédition de notre EP de 2013. À la base, qui n'avait pas de nom, mais au fil du temps, qui s'est nommé Frankrage Catastrophe. Un 4 titres, c'est ça. Un 4 titres, ouais, qu'on n'avait pas nommé. C'était notre EP. Puis après, à un moment donné sur internet, j'ai vu que. on commençait à l'appeler Frank Crash Catastrophe. Donc j'ai joué le jeu et là, à la réédition, on l'a officiellement nommé Frank Crash Catastrophe. On a rajouté le nom de la chanson sur le devant de la pochette. Ouais. Et du coup, on a fait quelques modifications au niveau du. De l'ordre des morceaux. Non, ça aurait été très. Non, on n'a pas changé ça parce que ça a été décidé il y a un peu moins de 10 ans, tu vois. Tout ce qu'on a changé, c'est qu'on a mis un peu de couleur sur la nouvelle édition. Parce que l'EP était sorti en 7 pouces aussi, à la base. Non. Oui. Ah oui, d'accord. Il est sorti en 7 pouces. Non, mais à l'origine. Ouais. En 2013, ouais, d'accord. C'est ça, en fait, j'avais... Okay. C'est celui-là. Maintenant, ça, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau, ouais. Alors, j'avais en tête, de toute façon, ce qui... parce que j'avais déjà en tête l'ordre de l'album qui allait suivre l'année d'après, en 2014. Et je savais quelles chansons je voulais mettre sur l'album et quelles chansons allaient rentrer sur le EP. Donc, on a fait le EP en premier avec cette chanson, Frank Crash Catastrophe, qui dure 5 minutes, donc qui recouvre une face. Ouais. Et Fuir, qui est une chanson qui dure 1 minute, donc super rapide. 1 minute 17. 1 minute 17, ouais. Et puis 2 autres chansons. Londres, qui est ok. C'est une chanson sur le fait d'avoir passé un an en Angleterre et puis de commencer à traîner à Londres, d'aller dans les squats, faire des fêtes et puis aller dans les clubs aussi. Et puis Sous le même toit, notre chanson que j'ai créée à l'époque. Ouais, sur la coloc. Non, pardon. C'était mauvaise blague. Ouais, et en fait, non, on, ça pourrait être ça, mais c'est un truc plus triste. Plus triste, ouais. C'est le fait de. En fait, c'est mon frère qui est revenu vivre. Enfin, qui est venu vivre dans mon appartement parce que sa partenaire est morte à ce moment-là. Ils vivaient tous les deux et du coup, il est venu vivre. Là où j'habitais, du coup, j'ai apprécié le fait qu'on vive ensemble, mais que je reconnais le fait que ça soit triste que ça se fasse dans ces circonstances. Tu vois. Ouais. Bon, très bien. Il y a toujours un truc très, biographique dans les paroles quand même. Uniquement, pratiquement, non ? J'ai l'impression. Ou alors, où il y a une base biographique et puis une romanticisation, mais voilà. Bon, c'est tout. L'impression, pas forcément, mais c'est une constante. Oui. J'ai l'impression. J'écris sur ce que je connais, tu vois, je vais pas extrapoler ou m'inventer des vies. Mais oui, j'ai un peu souvent la première personne, singulier. Je raconte ce qui s'est passé, mes expériences. Et par contre, là, il y a un peu une petite évolution. Par rapport au premier album, où c'est vraiment que des chansons sur mes expériences qui m'est arrivé. Là, c'est sur le second album, c'est aussi ça, mais c'est peut-être moins introspectif, c'est moins tourné vers moi. C'est peut-être plus des chansons qui. J'ai l'impression, ouais. Aussi. Qui peuvent parler à. Enfin, qui sont apaisées, tu vois, par rapport au premier album où c'était assez torturé. Deuxième album. Tu as des chansons sur le fait de marcher en montagne, et des trucs qui sont plus apaisés. Est-ce qu'il y a. Tu vois, je me sens bien, quoi. J'ai plus de. Des trucs qui me tracassent autant que ce qui me tracassait il y a. Des petits désagréments en soirée encore quand même, mais. Oui, moins, voilà. C'est, ouais. C'est moins énervé, quoi. C'est... Non, je sais pas. Oh. C'est... Ouais, c'est ça. C'est... Ouais. Bah, quand tu passes une mauvaise soirée, ça va engendrer peut-être des paroles à un moment donné. Premier album, c'est ce qui a engendré les paroles, c'est des trucs plus lourds, et là, c'est des trucs, des petites anecdotes, des trucs. Et donc le EP et l'album, c'est les mêmes. Le premier album, c'est les mêmes sessions de morceaux, c'est ça ? C'est le même ensemble de morceaux ou j'ai pas compris ? Vas-y, redis. Le premier album, les abords du lycée, donc le EP, c'est le même ensemble de morceaux, c'est ça en gros ? Enfin, c'est la même période à peu près où le. Ah oui. Oui, il y a une partie des morceaux qui sont dans le. En fait, ça fait partie du même ensemble, ça veut dire. C'est ça. En fait, il y a toutes ces chansons, elles existaient au moment où on a fait le EP. Toutes les chansons du LP existaient déjà, donc ouais, c'est la même période. Okay. On avait tout cet ensemble de chansons et on a décidé de mettre celle-ci sur le EP et Un an plus tard, les autres sur l'album. Et la cassette donc précède l'EP. Non, oui, la cassette c'est le tout premier. Ouais. Cassette, c'est le premier truc qu'on a sorti en 2011. Okay. Et c'est c'était une démo. On l'appelait pas démo à ce moment-là parce qu'on savait pas ce qu'était vraiment une démo. Mais après on nous a dit ah mais c'est votre démo. C'est 5 chansons qui voilà reflètent ce qu'on faisait à ce moment-là. Et la plupart des chansons qui sont sur la cassette ont été réenregistrées pour l'album. Yes. Eh ben on va écouter Reste. Ouais. Qui n'est pas sur qui est uniquement sur la cassette. Uniquement sur la cassette. Allez. Et on voilà, ça marche. Comment tu nous abandonnes? Tu n'arrives pas à satisfaire du lieu d'endroit dans lequel tu trouves, du lieu d'endroit dans lequel tu vis. Mais reste papa. Qu'est-ce qui t'attend ailleurs, papa? Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Reste qui donc dont la mélodie vient d'un morceau de Josquin Després. Després, vraiment Després, hein, je crois qu'il y a deux orthographes. Deux orthographes possibles, Després, D-E-S-P-R-E-Z, ou sinon en deux mots. Ouais. Petite Camusette. Voilà, c'est cette version-là que tu connaissais, donc c'est trois voix. Trois violons, pardon. Ah, il y a écrit trois voix, ok. Ouais. Parce que là, j'ai vu, donc c'est l'ensemble Jeannequin qui interprète cette chanson, enfin, oui, cette chanson de Josquin Després. C'est une chanson polyphonique. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que là, Josquin Després est mort il y a 500 ans. Il est mort en 1521. Ah, et il y a comme un truc cette année où on commémore l'anniversaire de sa mort. D'accord. Et l'ensemble Jeannequin qui est un ensemble connu qui a repris qui fait tous les interprétations de Josquin Després sur Harmonia Mundi dans les années 80. Ouais. On réenregistré du Josquin Després cette année et l'album est sorti là, j'ai vu ça aujourd'hui en faisant un peu des recherches sur ce qui sortait sur Josquin Després ce temps-ci. C'est un truc marrant à dire quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est et donc sur un mec qui est sorti il y a 500 ans. Ouais. Qui est mort il y a 500 ans. Ouais. Et ouais. Où je voulais en venir, c'est qu'ils ont réenregistré une version de Petite Camusette. D'accord. Mais à mon avis, ils sont plus que trois voix parce que dans celle que tu connais, dans celle qui a été enregistrée. Bah là, je vois que c'est trois voix, donc paraît ok. Mais dans la nouvelle version, ils sont moins 5-6, ouais. Mm-hmm. Jeannequin et Josquin Després, c'est des compositeurs donc du 16e siècle. 16e. Bah alors. Josquin Després, c'est. Ils sont contemporains l'un de l'autre. C'est pour ça que l'ensemble Jeannequin reprend des titres de. Ouais. Des morceaux de Després. Ouais, à peu près contemporain. C'est comme, comme Josquin, Després aurait pu être le père de Jeannequin au niveau des dates. Ouais, d'accord. Et mais ça fait partie d'un oui, voilà, d'un même style. C'est ça, 16e siècle, la Renaissance. Ouais. Ça fait partie du style. Ah oui, donc c'est style... pas du tout médiéval en fait, c'est la Renaissance. Non, c'est après. Ouais, ouais. C'est ils font partie d'une école qu'on appelle l'école franco-flamande parce que c'était basé en Flandre et c'est ça se caractérise par Ils ont fait par des œuvres profanes, par aussi des œuvres d'église, mais leurs chansons, là, ça, c'est les premiers à utiliser la polyphonie. D'accord. En chanson, donc plusieurs voix qui, pour chanter une chanson. Ok. Et c'était principalement des chansons. Enfin, c'est des voix et des violons, quoi. Enfin, c'est là où, pas forcément. C'est des voix, des voix, et puis des fois, c'est accompagné d'un luth. Ouais. Peut-être dans un orgue. Alors il y a un autre morceau qui est aussi inspiré donc là d'un de tes morceaux, un de morceaux de Tolar. Bon, mm-hmm. Je sais pas comment dire, c'est un morceau de Tolar, ouais. Morceau inspiré d'un titre de Jeannequin. Alors je suis en train de le chercher, je ne trouve plus. Qui est La nature se déchaîne. La nature se déchaîne. Voilà. Et là tu disais pourquoi cet ensemble s'appelle Jeannequin. Ouais. Je pense que c'est. Ouais, je sais pas. C'est juste un nom qu'ils se sont donné, mais ils auraient peut-être pu s'appeler l'ensemble Josquin Després, ça sonnait moins. Ça aurait semblé plus logique, quoi. Ouais, mais sais pas, ils font. Peut-être. Parce que. Gilles, parce que c'est que des gars, mais c'est, ils font des. Du Josquin Després, du Jeannequin, de Sermici, qui était un autre compositeur de l'époque. Donc. Tu vois, ils s'appellent Ensemble Jeannequin, mais ils interprètent plein de compositeurs de la Renaissance. Toi, tu connais ça parce que tu es allé au conservatoire, en fait, ou par une investigation personnelle. Je connais ça, alors c'est pas... Oui, au conservatoire, parce que je fais de la contrebasse, ouais. Au conservatoire, et à un moment donné, avec l'ensemble de contrebasse, on faisait une déploration sur la mort d'Oko Game, écrite par Josquin Després. D'accord. Donc c'est un Oko Game, je suppose que c'est un compositeur de l'époque. Ouais. J'ai l'impression que ça se faisait beaucoup d'écrire une œuvre après la mort d'un compositeur aimé. Ouais. Et donc on faisait ça en contrebasse et j'appréciais l'œuvre, elle était magnifique. Et aussi En musicologie, on a parlé de Josquin Després, l'école franco-flamande. Ouais. Un petit peu, parce que c'est... Je pense pas que... Bah, moi, ça m'a marqué. Après, je pense qu'il y en a qui sont moins marqués par ça. Mais je trouve que c'est marquant parce que c'est simple. Il y a des chouettes mélodies et puis, qu'on entend bien. Et c'est super bien écrit. Mm-hmm. Le fait que ça soit écrit à 5 voix, 5-6 voix, ils ont vraiment développé la polyphonie, parce qu'à la base en fait les chansons étaient chantées à 3 voix, ouais. C'est pour ça m'étonne la première version qui est chantée à 3 voix, ouais. Et en fait Josquin Després il a poussé le truc à écrire des chansons à plus de 3 voix, donc 5, 6, 7 voix il me semble. Et c'était de la musique populaire ou c'était... Enfin, je pense c'était parmi en c'était fait c'était pour les ouais c'était... pour les nobles même. Non, je crois pas. Je crois que c'était c'était des gens qui faisaient partie de pas d'église, mais ils avaient des gens qui leur donnaient de la thune pour aller quelque part. Je sais pas. Je crois que Josquin Després il allait à Florence parce qu'on lui a demandé d'aller à Florence. Il avait un mécène et tout. Ouais, ouais. D'accord. Et donc il écrivait beaucoup de musique d'église parce que c'était des commandes. Et ouais. Par contre, il a aussi beaucoup écrit de chansons, la musique profane pour. Pour le peuple. Ouais. Je sais pas comment se fait la différence, mais c'est-à-dire que peut-être que quand il en avait marre d'écrire de la musique d'église, et ben il s'écrivait une petite chanson et que ça lui faisait plaisir. Puis ça peut-être la musique d'église, c'est ce qu'il faisait manger, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et ben alors on enchaîne avec La nature se déchaîne. Et ouais. Et là, tu veux mettre pareil que tu veux mettre Jeannequin après pour faire la différence. Si c'est ok. Ouais, carrément. Allez, hop. C'est un ouais, moment particulier de... Ouais. Alors, peut-être qu'on peut remettre le morceau... Peut-être tu peux mettre le chant des oiseaux, Clément Jeannequin. Ah non. Ah non, c'est la même... ta version. La version. Je crois que tu l'as pas prise. Non. Peut-être tu... Alors, attends. Est-ce que... On va remettre le morceau, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Il est assez court. Yo! Ma montagne préférée c'est Moucherotte, où que tu sois en ville tu la vois. Ma montagne préférée c'est Moucherotte, où que tu sois en ville tu la vois. Où que tu sois en ville tu la vois. Où que tu sois en ville tu la vois. Où que tu sois en ville tu la vois. Où que tu sois en ville tu la vois. Tu la vois, tu la vois. Yes, bon, pas évident. C'est moins évident ce que c'est. C'est une autre version, c'est ça? Non, mais ouais. Aussi, j'ai pris que les accords, j'ai regardé la partition, j'ai regardé ce qui m'intéressait de reprendre. Ouais, d'accord. Et c'est le moment où ça part en onomatopée. Ah oui, c'est ça, où t'entends vraiment le chant des oiseaux. C'est ça, ouais. Bon, très beau morceau. Merci. Je connaissais pas. Je vais mettre un morceau, tiens. Vas-y. Les Capricorns, un groupe des années 2000. Voilà. Ce groupe, je connaissais pas, j'ai reconnu le canon de Pachelbel dedans. En fait. Ah, ouais. Bon, très bien. C'est un groupe de 2001, voilà, américain. Ok, qui s'appelle comment tu dis? The Capricorns. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on joue? Ah oui, je voulais mettre un morceau d'Archer Cassé que j'aime beaucoup, mm-hmm. qui s'appelle Mois de juin. Alors, c'est un split, c'est ça qui est sorti. C'est sorti quand? Il y a deux... Il y a peut-être 3 ans. 3 ans. C'est ce label à Grenoble qui fait des cassettes Four 4. Yes. Dans lequel je suis un peu. Ouais. Qui duplique les cassettes, enregistre au même endroit. Et. Ah bon? Ah ouais. L'enregistrement. Alors j'ai enregistré dans le à Four 4, le local de Four 4. D'accord. Et. C'est les potes qui font du son dans leur local là sur les quais. Et on a ils dupliquent les cassettes au même endroit. Et la sérigraphié ou sérigraphié enfin, cassette non ou si ouais d'accord sérigraphié à Peldis ouais qui est feu Peldis bah ouais. Je sais j'ai l'impression qu'ils sont encore enfin peut-être encore, encore... Oh, non ouais. Il y a... ouais. Ouais, je... ouais, bon, en tout cas soutien à Peldis ouais. Qui est la situation est compliquée et que la mairie de Saint-Martin-le-Vinou veut les jeter. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a la manif vélorussion ce samedi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, les jeter sans les reloger, c'est ça. Enfin, là, ils proposent pas de relogement. J'ai pas l'impression. De relocation. Ouais. Il y a une guerre entre la mairie et la métro. La métro. Ouais, a priori. Ok. Du coup, tu voulais mettre mois de juin. Ouais, mois de juin, ouais. Ouais. C'est un beau morceau et après, je mettrai un autre morceau. Ok. Et on discutera. De ça. Ça marche. Mois de juin, l'été devant moi, encore un été, sans projet, tous ces étés, inoccupés, comme si l'enfance se prolongeait. Mois de juin, l'été devant moi, encore un été. Summertime blue. summertime blue. Wow, oh, ain't no kill. Ah là là. Ouais, donc alors, on va parler un petit peu de. Donc, mois de juin, un très beau morceau, très très émouvant, très sincère et direct. Merci. C'est un peu ton style, je trouve. Ouais, c'est direct. En plus, c'est pas évident de ce sentiment de pas sentir l'été. Ouais. Chez les gens, je sais pas, j'ai l'impression. Moi, c'est un sentiment que je connais très très très bien. Ok. Personnellement, ce sentiment de vide. Et... Ouais, parce que pour peu que t'as pas de projet, pour peu que que t'aies rien prévu et que là en fait c'est oui c'est ce sentiment de vide que les trois prochains mois tu sais pas quoi faire, que t'es censé t'amuser parce que c'est l'été. Ah ouais, c'est ça, c'est l'injonction aussi au ouais. À l'amusement que toi tu t'as pas du tout. Ouais, et puis tu vois que les gens autour de toi vont faire un voyage par là. Ouais. Se déplace et puis ouais. Toi t'as pas de projet. Après il y a des étés où je me suis bien mieux démerdé. Où j'étais là, j'avais des projets dès le mois d'avril, je savais ce que j'allais faire. Et oui, c'est ça, c'est genre d'année en année. En fait, tu sais que t'as, là il y a un été qui a foiré et que t'as pas envie de revivre la même chose. Ouais. Et donc l'été d'après, t'essayes de mieux te débrouiller. Mais. Moi tous les étés, je ressens ça. Ouais. Mais bon, c'est peut-être un truc plus psychologique. Bah, c'est juste, c'est un. Enfin. Parce qu'il y a aussi une forme de... Vu que si tu restes à Grenoble, y a un mois, enfin le mois d'août, où, enfin il y a un creux quoi en fait, c'est quand même un creux général je trouve. Ouais, ouais, okay, à Grenoble, c'est laborieux quand même de rester. Je sais pas. Bon après moi j'aime bien être triste, donc j'aime bien ce blues d'être à Grenoble. Oui. Où il y a rien, je trouve ça assez agréable aussi. Il y a certainement un truc... Bah là depuis que je suis dans une maison à Fontaine et il y a un potager à s'occuper, il y a des trucs à faire dans le jardin, j'ai l'impression que je reçois moins ce truc, mais c'est vrai que c'est le... Et puis comme je le dis dans la chanson, c'est aussi un truc de... Comme le temps il change, t'as une grosse chaleur qui arrive et ça joue sur ton ressenti, tes émotions et ça fait que t'as comme une mini... un coup de blues avant... Là. Avant que l'été commence. Et c'est vrai ce que tu dis aussi, ce rapport à l'enfance, parce que c'est vrai que je me rappelle aussi des vacances d'été quand j'étais enfant, où t'as l'impression d'un infini. C'est super long, hein. Ouais. Tu passes deux semaines quelque part, mais ouais. C'est voilà, méga long. Y a ça qui reste. Et donc après, on a mis donc Summertime Blues de Blue Cheer. Donc là où en fait il est pas content, il a le blues parce que justement il pourra pas profiter de son été et qui doit bosser pour amener du fric. Voilà. Bon, donc un blues de trop plein et un blues de trop peu plein de l'autre côté. Après je sais pas ce que t'avais prévu, mais ça me fait penser qu'on pourrait faire un lien avec la Dans la Plaine, qui ah est ouais, super une, morceau qui est une nouvelle chanson de l'album qu'on a fait l'année dernière. Ouais. Et qui parle aussi de l'été, des étés occupés à ramasser l'ail dans les champs et à l'adolescence. Ouais. Donc une autre façon de parler de l'été. Yes. Oula, ça marche. Ah non, c'est vrai qu'il y a un petit. Les tours en vélo dans la plaine pour aller se baigner à la rivière. Le bagage des oiseaux dans la plaine. Castor dans les ramières, les revues porno dans les ramières, trouver au hasard dans sentier, la récolte des ailes en été, le dos courbé toute la journée, le soir les bières et les virées, le dos courbé toute la journée, le soir les bières et les virées, et de nouveau au matin les corps penchés. Qui avance dans leur rangée, ces corps pliés qui avancent, penchés sur la terre à ramasser les eaux. Chacun va s'arranger, sécateur à la main, ces corps penchés dans la plaine. manger. L'errance d'octobre dans la plaine. En octobre l'ambiance a changé. L'errance d'octobre dans la plaine. Les remises en question dans la plaine. La solitude au bord de la rivière. Le souvenir des étés dans la plaine. Elle travaille dur dans le champ. Tatouages au stylo qui disent suis ton cœur. Les retours fréquents dans la plaine. Le passage du train dans la plaine. Les retours fréquents dans la plaine. Le passage du train dans la plaine. Elle est feu de bois dans les ramières. Remonter le cours de la rivière. Elle est veillée dans les ramières. Yes, super morceau qui marche à chaque fois pour moi, j'avoue. Merci. Ouais, donc on va un peu redire ce qu'on a dit. Enfin, oui, que en fait tu fais référence à une saison, donc à l'été, mais aussi à l'automne, mais l'automne d'une autre année. Donc il y a un peu à la fois le passage des ans et le changement des saisons finalement, dans ce morceau-là. L'été qui correspond à du travail saisonnier. Ouais. L'automne qui correspond à une période plus grise, plus triste, mais qui n'est pas forcément la même année. Ouais, y a une sorte d'ellipse d'année, quelques années. Ouais. Ce qui fait que ça marche bien dans le morceau, parce que tu le remarques pas trop, mais tu vois qu'il y a du changement dans les saisons. Et... Ouais. Il y a ces détails de tatouage là. Enfin, je trouve que c'est peut-être ça qui évoque finalement l'adolescence. Enfin, t'étais adolescent, non, c'était il y a ouais, c'était 20 ans, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, début des années 2000. Et en fait, le tatouage, bon, je vais avouer quelque chose, le tatouage, c'est complètement inventé. D'accord. Mais parce qu'il fallait évoquer des images qui me plaisaient. Et par contre, le fumer des clopes à l'arrière du tracteur, ça, on le faisait. Ouais, ouais. Et, non, mais après, ouais. Et tu vois, ça fait un peu partie. C'est un ensemble, ouais. Faire des tatouages au stylo qui disent suis ton cœur, bah c'était dans la même veine émotionnelle du morceau, et puis ça c'était une idée qui allait bien avec le fait de fumer des clopes à l'arrière des tracteurs. Bah ouais, ça marche, hein, en fait. Et après c'est marrant comme quand j'écris un morceau, il y a les souvenirs de comment ça se passait lors du travail saisonnier. Et puis viennent s'ajouter des idées plus récentes sur j'ai entendu dire que ce groupe, le guitariste de ce groupe que j'aime bien, il a un tatouage qui sur lequel est écrit suis ton cœur. Et puis là il y a un cheminement d'idées qui font que je remets ça dans une chanson alors que ça s'est pas réellement passé. Ouais. Et l'accent que tu prends, c'est un truc travaillé ou c'est... Non. C'est un accent. Ça vient naturellement quand tu chantes, c'est ça ou c'est un truc de la Drôme ou... Ouais, je pense que c'est un truc de la Drôme. Ouais. D'appuyer les R là, comme ça. Et ouais, mais ça, je le fais pas exprès. Je l'entends lors des enregistrements là, que je fais ça. Ok. Genre vraiment appuyer les R comme ça. Je dirais pas que c'est un truc d'accent, c'est juste un truc de. Une façon que je sais pas si je le fais en fait en temps, enfin normal, quand je chante pas, j'ai pas l'impression que je le fais, mais c'est quand il y a un mot qui finit en R et qui est un franc de phrase, et peut-être que j'ai tendance à bien le souligner parce que c'est à l'appuyer quand il arrive en fin de phrase. Bon. Mais j'ai des amis qui perçoivent mon accent dans mes chansons. Moi je dirais quoi, voilà, j'ai un accent de Cré, la Drôme, la vallée de la Drôme. J'ai un pote qui me dit que... Bah, les hauts ouverts, par exemple, c'est un peu... Voilà, et puis c'est la difficulté à faire les 1-1-1, tous ces... Je vais... Des fois, en fait, j'ai dit des mots, mais ça sort pas comme il faut. Et je suis obligé de me reprendre pour, tu vois, pour corriger le 1 ou le 1. On pourrait mettre « je trouve pas mes mots », mais... Bon. Qu'est-ce que... Alors, attends, qu'est-ce que j'avais prévu ? Bah, rien. Si, on va continuer sur cet album. Léo Plateau, allez, pourquoi pas. Ok. J'ai besoin de prendre l'air. Je vais sur la montagne, juste derrière Fontaine. Je pars chez moi à pied jusqu'au parc Karl Marx, rejoindre un sentier. Plateau du Vercors. Ouais. Bien entendu. Comme le moucherotte, comme la nature se déchaîne. C'est ça, mais j'évoque le Vercors sans jamais le nommer. Ouais. Désolé, il n'y a pas le nommer. Non, tu peux le nommer, hein, pas de souci. C'est juste dans la chanson, dans les paroles, il n'y a pas. Jamais j'évoque le mot Vercors. C'est vrai. Alors que j'ai le grand Vémont, mais. Ouais. Les gens savent. Les gens savent. Qu'est-ce que mince. Alors, on avait dit qu'on passait un morceau. Ah oui, qu'on passait un pass et qu'on parlait des morceaux, des meilleurs morceaux, des albums. Moi je me disais que le morceau qui m'intéresse, enfin quel je suis le plus content en fait du résultat, c'est de l'album de Les Abords du Lycée de 2014, c'est un pass. Ok. Qui est un peu fou avec. Ah ouais. Des paroles un peu plombantes, mais les musicalement en fait j'aime bien parce que ça part un peu dans tous les sens. Ça marche. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça fait maintenant des mois que ça dure. J'ai dû rentrer chez mes parents. J'ai complètement déréglé, je me prends tout le temps, je peux pas m'arrêter de pleurer, je ne fais plus rien. Mes erreurs successives, mes erreurs successives m'ont fait faire la confiance que j'avais en moi. Mes erreurs successives, mes erreurs successives m'ont fait perdre cette confiance. Je suis désorienté, je sais plus ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. Je suis fuck, je suis fuck. Je suis désorienté, je sais plus ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. C'est en fond ou pas? Ouais. Ouais. Non, il y a un passage dub et... Ouais. Ah, ça dub. Va nous mettre ouais. Bien chill. Donc, en fait, est-ce que ça marche encore, le fait de faire des morceaux pour, en gros, faire état ou prendre conscience d'une situation douloureuse? Enfin, il y a... C'est, ça marche encore, ça, pour toi? Tout ce... Bah j'ai l'impression, après moi j'aspire à faire des chansons plus optimistes, tu vois. Ouais, non mais je... Et ça c'est le cas dans le deuxième album, il y a des chansons... Ouais, ouais. Je dis pas que c'est... Enfin, c'est pas cet angle-là, quoi. Je disais juste, j'imagine que c'est... Ce qui te pousse à faire des... Enfin, c'est quand même ces états d'insatisfaction qui mm-hmm. te poussent à en parler par des morceaux et peut-être ça provoque une sorte de soulagement. Non, je sais pas, est-ce que c'est... En tout cas, c'est ce qui... Ouais, je vois. C'est ce qui va inspirer... ce qui va m'inspirer pour les paroles ou... Mais t'en tires un... Non, je sais pas. Après, est-ce que j'en tire... Du coup, est-ce que tu ne sors pas de cet état, de l'état que tu décris en le décrivant? Enfin, en faisant un morceau, tu vois, où tu le mets à distance. Et donc tu ouais, je vois. De toute façon, généralement, les situations que je décris dans mes chansons, j'en suis déjà sorti au moment où, tu vois, où je vais la chanter, ou... les gens vont l'écouter sur le disque. D'accord. C'est des... Là, sur le deuxième album, c'est plus de l'ordre de l'anecdote, en fait. Des... Ouais, ouais. Et puis, des moments, une soirée qui va mal se passer, ou un choc émotionnel de cette chanson, en fait. Mon embarras. Oui. Où j'ai vraiment... entouré par mes potes, il y a un truc que j'ai dit qui est mal passé, et l'alcool faisant, en fait, j'ai pris comme vraiment un choc. Ouais, ouais. Et qui aurait pu être désamorcé, mais qui a pas été fait, donc ça a pris du temps pour reparler, et puis bon. Ouais, d'accord. C'est déjà... Il n'y a pas vraiment de rôle cathartique ou... Ouais. Parce que c'est déjà des choses que tu as digérées, finalement. Oui, et que je vais digérer sur ou que qui me reste en train de la gorge, mais qui ouais. Le fait d'en faire une chanson, ça me... Ah, quand même. Ouais, après, ça... ouais, ça me... Où je vais me servir de cette anecdote, de cette soirée pour en parler, et puis après je sais pas si ça m'aide pas forcément, mais c'est du matériel pour une chanson, quoi. Yes. Alors, est-ce qu'on peut mettre disquette vite fait? Et ça doit faire une heure que je t'écoute parler sans avoir la chance d'en placer une ou deux en chemin. L'histoire conversée, mais rien t'arrête dans ton élan. Tu mets une grosse disquette, une grosse disquette, et tu t'en rends même pas compte. Tellement tu passes à côté de ce que je dis ou de ce que j'y pense. Ça fait aucune différence, façon tu n'écoutes pas. Tu me coupes à chaque fois. Ok, donc la disquette, c'est les données que quelqu'un te force à assimiler ou pas. Assimiler, digérer, ouais. Trop d'informations en trop peu de temps. Ouais. Les gens qui te qui te baratinent, qui te... C'est quoi les autres expressions qu'on pourrait dire? Qui te tiennent la jambe? Qui tiennent la jambe, ouais, ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Qui te saoule, non? Un peu ça, mais bon, c'est peut-être... C'est... Ouais, ouais, bon, ça c'est général, l'état que tu as... Général. Ouais. Ou sinon, attends, j'ai entendu un autre truc, genre qui te... Polir, avec polir, je crois, c'est... Ils te polissent ou... Qui te polyphonisent? Non, ça doit pas être ça. Pas ça non plus. Bon, mais ouais, c'est, ouais, ouais. C'est l'idée. C'est l'idée, ouais. Très bien. Voilà, bah écoute, quelle heure il est? Ah oui, 19h17. Est-ce que j'avais non, encore prévu un peu de des... temps. Ouais, on a encore un peu de temps. Est-ce que j'avais prévu des morceaux? Bon, je sais pas, j'ai prévu des morceaux de punk, mais pas trop avec du synthé. Attends, je regarde. Non, moi je peux mettre quelques trucs. Bah voilà, mais on met des trucs. Si j'avais John Mouse, c'était le morceau d'ouverture, mais on mettra le dernier à la fin ou CCTV. Okay. Voilà, CCTV, c'est un groupe du Midwest, peut-être dans l'Indiana. Ouais. Et c'est alors on peut mettre Anxiety. Allez. Tiré de leur. Ouais. Yes, Electric Dead, son ami. C'est qui ça. Ouais, qui est un vieux groupe danois de début des années 80. Ok. Et c'est marrant parce que la voix, bon, la voix ressemble un peu à CCTV, qui est bien plus actuelle, qui est un groupe de il y a quelques années. Yes. Ah oui, si mince, j'avais un morceau à mettre de l'Ohio. Voilà, assez récent, des années 2000. Yeah. Yes. I like it. Ouais. Rothschild. Un groupe de Columbus, je crois, dans l'œil, mais je me rappelle plus. En tout cas, sorti sur Columbus Discount 2010, 12. Ok. Voilà, ça envoie. C'est pas mal. J'aime beaucoup. C'est très gras, quoi. Mmh. Voilà. J'ai passé un nouvel an dans un bar où ils jouaient, c'était assez marrant. C'est, je connais un peu des groupes de noms comme ça, genre Homo Stupids, de, ouais. Il me semble c'est Cleveland. Ouais. Et qui paraît un peu humour gras et peut-être plus violent. Ouais. Ouais. Plus vieux, j'avais dit. Plus violent. Peut-être plus ouais. Vieux, ouais, 2000. Plus violent. Pas, ah non, c'est pareil, 2010. T'as raison. Mm-hmm. Non, c'est ça. On peut faire une annonce peut-être. Ouais. Donc il y a une Vélorussion samedi, à 14h devant la MC2. Il me semble que ça commence à... la Vélorussion commence à 14h, à 13h ouais. Par contre, ça commence à se regrouper, il y a les, ouais. Les prises de parole, parce que c'est une Vélorussion contre... l'urbanisation sauvage, enfin pardon, non pas sauvage, mais enfin, la mauvaise utilisation des terres, on va dire, oui. Du terrain. Face à une sorte de le Peldis à Saint-Martin-de-Vinou donc qui se fait expulser, ouais. le chantier donc la matériothèque à Fontaine qui se fait expulser ou qui la mairie en tout cas veut les déloger, les jardins de la Busrat de Saint-Martin-de-Vinou qui sont fait racheter, enfin voilà, détruits hein. Pour construire des logements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a déjà ces trois événements qui font qu'il y a un souci dans l'agglo et qu'il faut venir à la Vélorussion. Et tu voulais continuer l'annonce ? Ouais. Bah, en fait, cette Vélorussion va se terminer devant le magasin. Voilà. Bon. Vers 16h, a priori. Et donc à 17h, il y a un bal punk. Devant la MC2. Voilà, on revient à la MC2 et. Voilà. Et moi, je vais jouer mon truc solo archi cassé. Et il y aura du son punk. Ou des son playlists. De balle. Du son de baloche. Baloche punk. Yes. Donc voilà. Jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, ouais. Ça va être possiblement cool. Yes. Pour les Grenoblois qui nous écoutent. On peut peut-être remettre un morceau d'archet cassé. Qu'est-ce que t'en ouais. Petit morceau instrumental, non, ou je sais pas. Il y en a deux, non, sur le split ou un. Bah sinon tu mets en manif comme ça. Ah ben voilà. Bien on sûr. Conclut là-dessus. Voilà. Sur un. Ouais, c'est ça. Un morceau qui s'appelle minutes. Un manif. Pour la manif de samedi, pour nous donner, pour leur donner du soutien. Eh ben merci Jocelyn d'être passé. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. Et voilà, bah, j'espère que rien n'a été oublié dans ce que tu voulais dire. Non, c'est à peu près. On a fait le tour. Non, ouais, on a fait le tour. Très bien. Allez, à bientôt. Salut. On écoute en manif.